Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Hockey Ciné. Je suis toujours bien accompagné avec Aurore. Bonjour Kevin. Comment vas-tu? Bien et toi? Toujours quand il s'agit de parler de cinéma, puisque aujourd'hui on va parler alors d'un grand film, je ne sais pas, mais en tout cas, il est quand même en lice pour les Oscars, donc c'est pas rien. Il s'agit du film Conclave d'Edvard Berger. Donc pour la petite histoire, quand le pape décède de façon inattendue et mystérieuse, le cardinal Lawrence se retrouve en charge d'organiser la sélection de son successeur. Alors que les machinations politiques au sein du Vatican s'intensifient, il se rend compte que le défunt leur avait caché un secret qu'il doit découvrir avant qu'un nouveau pape ne soit choisi. Ce qui va se passer derrière ces murs changera la face du monde. J'adore le synopsis. C'est waouh, c'est prenant, mais le film est très prenant. C'est un thriller, enfin en tout cas c'est tourné à la façon d'un thriller. Alors du coup, qu'en as-tu pensé, Aurore? Alors, en dehors de l'histoire, déjà la photographie est assez impressionnante. Voilà, moi j'ai énormément apprécié la symétrie des pièces par rapport au désordre de l'action. Oh, c'est bien dit, j'aurais pas mieux dit. Mais ça m'a vraiment scotché dès le début, en fait, où il y avait vraiment une symétrie dans l'endroit où il se trouve, etc. Et les personnes, en fait, sont là pour mettre le désordre. Quand tu vois les pièces, que ce soit le couloir de l'hôtel, la cantine, que tout est droit, tout est très... pas monochrome, mais c'est vraiment du noir, du blanc et du rouge. C'est tout le temps, c'est ce ton-là sur tout le film, et c'est extrêmement ordonné, etc. Et il y a vraiment les acteurs, les personnages qui sont là pour mettre le désordre, et c'est réellement ça dans l'action. Et du coup, j'ai vraiment apprécié ce parallèle-là, de quelque chose de très ordonné, et même, enfin voilà, le vote, c'est ce processus-là, on voit, ils sont tous silencieux, etc. Et en fait, effectivement, les secrets viennent bousculer le tout. Oui, oui, ah bah là-dessus, je te rejoins tout à fait. C'est vrai que la photographie est magnifique. Ce côté, voilà, comme tu disais, presque monochrome, fait écho finalement au milieu voilà, de désordre, avec voilà, ces cardinaux, on va dire, propres sur eux, du moins, en apparence, bien sûr. Et comme tu le soulignais, voilà, il va y avoir ce désordre, ce chaos, voilà, puisqu'il va falloir élire un nouveau pape. Et du coup, on va découvrir au fur et à mesure les différents cardinaux, finalement leur vraie personnalité, puisque voilà, ils cachent pour la plupart de lourds secrets. Et pour le coup, en effet, c'est tourné à la façon d'un thriller. Et en effet, c'est captivant, puisque on s'attend pas du tout au retournement de situation. Jusqu'à la fin, vraiment, tu te dis, ah oui, ça va jusque-là quand même. C'est ça. Oui. Donc c'est assez inattendu. Ça, d'ailleurs, je pense que le film va faire beaucoup parler de lui aussi par rapport à son dénouement. Ouais. Bien évidemment, parce que voilà, c'est un film quand même qui bouscule. Il bouscule, mais de façon intelligente. Il fait pas ça juste histoire de dire, bon bah voilà, je vais un peu bousculer l'ordre établi parce que voilà, ça me fait plaisir de le faire. Non, c'est très réfléchi. Oui, oui, extrêmement réfléchi, oui. Et même les acteurs, Ralph Fiennes, pardon, qu'on connaît assez bien pour des rôles souvent dramatiques, qui joue du coup le cardinal Lawrence. Et Stanley Tucci, qu'on a plutôt l'habitude de voir en comédie. Après, généralement, on dit bien que les acteurs, les comédiens sont de très bons acteurs dramatiques. C'est vrai. Et c'est vrai qu'il joue extrêmement bien son rôle. Personnellement, j'ai pas trop l'habitude de le voir dans des drames, et là, ça fait vraiment plaisir de le voir avec une mine très très sobre. Non, effectivement, ils jouent extrêmement bien leur rôle. Généralement, s'attaquer à, bah, surtout là, enfin, c'est le pape. Déjà, les histoires autour de la religion en général, c'est généralement des sujets extrêmement piquants et sensibles. Et là, effectivement, il s'attaque à... Il y a deux idéologies qui s'affrontent, littéralement, hein, dans cette élection. Voilà. Et oui, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et fait de façon, comme tu le disais, très, très intelligente. Oui, oui, oui. Et puis, pareil, il y a une musique aussi qui vient à chaque fois un peu rajouter du stress presque. Enfin vraiment, ouais, c'est C'est médical, c'est glacial, c'est fait au cordeau. Enfin, tu sens que tout est, comme tu disais, très carré. Et en même temps, il y a ce désordre, voilà, au sein de ce conclave. Et comme tu le soulignais, donc Ralph Fiennes et Stanley Tucci, donc voilà, sont en tête d'affiche. Mais c'est vrai qu'on trouve quand même d'autres acteurs qu'on voit beaucoup en second rôle, hein, oui. Notamment John Lito, oui. Isabella Rossellini aussi, qui est une grande actrice qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. Ouais. Lucian M. Samati aussi, qui joue le cardinal Adeyé aussi, voilà, qu'on voit souvent aussi comme comme acteur. Ce qui est bien, c'est que c'est multi-ethnique, finalement. Oui. Voilà, il y a toutes les représentations. Oui, puis même en aussi. Langue, oui. il passe du... Alors, français, non. Il parle de l'italien, l'espagnol, ouais. À l'anglais. Oui. Il passe par toutes les langues. Oui, donc faut le voir en VO, de toute façon. Ah oui, oui, bien ça, sûr. Ça, c'est indéniable. Parce que je pense que sinon... Ça perd son intérêt. Mmh. Ouais. Oui, oui. Oui, oui. Ouais, avec des accents un peu lissés, oui, bah très oui, français. Forcément. Mais oui, effectivement, c'est vraiment toutes les ethnies. Bah après, c'est la réalité des choses, et c'est ça que j'ai trouvé bien, c'est que on même dans les acteurs, on retrouve de tout. C'est de tous les milieux. Bon, effectivement, il y a pas mal de personnes qu'on connaît, et c'est des belles têtes d'affiche. Mais il y a effectivement de toutes les ethnies, de tous les milieux, que ce soit d'Hollywood ou même européen. Oui. Et j'ai trouvé ça effectivement. Oui, parce que finalement, le réalisateur, donc c'est un réalisateur allemand. Donc c'est peut-être pour ça aussi, parce que je pense que si ça avait été un réalisateur américain, oui. Je pense que ça aurait pas donné la même chose. Effectivement. Le réalisateur, voilà, s'était fait connaître avec un film qui était sorti sur Netflix, À l'Ouest, rien de nouveau, qui avait fait énormément parler de lui. Oui. Je pense que même il aurait mérité une sortie au cinéma. Donc il est sorti il y a 2 ans. Bon bah là en l'occurrence c'est son second film. Il sort cette fois-ci au cinéma et alors, toi, je sais pas, mais moi, je l'ai découvert tardivement, finalement, Conclave. J'ai l'impression que chez nous, en tout cas, la promotion du film en France est arrivée tardivement et il sort comme ça. Mais finalement, ils ont tellement, je trouve, enfin, il y a quand même un certain matraquage publicitaire à sa sortie. Et puis, sur l'affiche, tu vois quand même un trailer captivant, de loin le meilleur film de l'année, un dénouement incroyable, un des favoris Oscars. Donc, tu te dis, oula, ils veulent vraiment que le film soit vu. Ils en ont commencé à en parler, effectivement, à partir du moment où il est devenu favori aux Oscars. Mm. Et donc, 2-3 semaines maximum avant sa sortie. Oui, oui, oui. Ce qui n'est pas énorme. Non. Après, ils en ont beaucoup parlé sur les réseaux sociaux. J'ai vu pas mal tourner le fait que, notamment, c'était cette phrase qui revenait à chaque fois de dire qu'avec nos médias, plus beaucoup de choses sont des secrets, des élections qui sont secrètes. Pourtant, il y a une élection qui reste secrète. Et il y a énormément d'influenceurs cinématographiques qui se sont emparés de la promo. On a effectivement pas tant vu la bande-annonce, c'était beaucoup des personnes, des médias externes qui faisaient la promo. Après, ils le comprennent très bien, hein. Maintenant, les réseaux sociaux font énormément la promotion des films. C'est vrai. Donc, et c'est marrant parce que du coup, le film est complètement en contradiction justement avec ça. Exact. C'est très drôle, voilà, un peu ce parallèle. Le public n'est pas du tout le même, effectivement. Non, c'est ça. Non, et puis je pense que finalement c'est un film au départ où on pourrait se dire allez, c'est un film d'auteur, j'exagère un peu, mais je veux dire voilà, c'est un film peut-être réservé à un certain type de public, mais finalement quand tu prends un peu du recul, enfin moi personnellement qui suis non initié voilà sur la religion, voilà le milieu de la papauté, etc., enfin moi j'ai appris énormément de choses. Déjà, j'ai trouvé le film hyper intéressant à ce niveau-là. Oui. Franchement, il est hyper bien documenté, référencé. Enfin, franchement, il n'y a rien à dire. Je me suis demandé tout le film, en fait, comment ils avaient fait pour avoir ces informations-là. Bah oui, c'est vrai. C'est parce que, effectivement, ça paraît extrêmement réaliste. Et c'est effectivement très intéressant. Et on parlait du fait que c'était thriller. C'est un peu un huis clos. Oui. Enfin, ah oui. Ils sont oui. clos, mais oui. voilà, c'est pas à proprement parler. Ils ont, ils ont plusieurs lieux, mais effectivement, c'est vraiment. En fait, ils sont totalement enfermés pendant plusieurs jours et ils ont aucune information de l'extérieur. Ils arrivent à en avoir par rapport au climat de l'endroit, mais effectivement, c'est très intéressant là il y a une espèce de pression en sachant quand même qu'il va rien se passer. je sais pas si... Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Si, oui. Je suis très claire, mais enfin, on sait le dénouement sans vraiment exactement savoir ce qui va se passer. Oui, oui, c'est vrai que finalement, le film, on pourrait se dire, repose sur pas grand-chose. Voilà, d'accord, l'élection d'un nouveau pape. Bon, c'est ok, ça, très bien. Bon, bah d'accord. Pendant 2 heures, bon bah voilà, qu'est-ce qui va se passer? Et finalement, le film est vraiment arrive de nous tenir en haleine. Mais voilà, par rapport à tout, parce que le réalisateur, je pense qu'il a pensé à tout. Voilà, que ce soit les acteurs, le sujet, etc. Et puis il délivre comme ça petit à petit juste ce qu'il faut pour captiver le spectateur. Parfois le laisser un peu souffler quand même, parce que bon, voilà. Et en même temps, comme tu dis, voilà, on a ce dénouement auquel on s'attend, et finalement, non, il reste quand même très mystérieux ce dénouement. On se fait un peu mener à la baguette. On se fait avoir. On se fait un peu mener à la baguette de hop, je donne une info, et puis il y a ça qui se passe, et puis hop, je te donne une autre info, etc. Ouais, effectivement, le film perd son spectateur, et c'est ça qui est intéressant. Ouais. Ah oui, oui, oui. Ouais, ouais. Et c'est vrai que pour le coup, le film est assez marquant. Et je pense que c'est le genre de film, on le voit une fois, bon, bah, même si on connaît le dénouement, je pense qu'il doit y avoir quand même certaines subtilités. Et le film, à mon avis, mérite d'être revu. Enfin, en tout cas, moi, c'est un film que je prendrais plaisir à revoir. Et j'encourage en tout cas les gens à aller le voir. Parce que franchement, alors en effet, moi, je sais pas quels films seront en concurrence avec Conclave. Mais en tout cas, en effet, c'est vrai que pour un film d'Oscar, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Parce qu'il coche quand même pas mal de cases sans être trop américanisé. C'est ça. Et puis visuellement, vraiment, je reviens sur ce que je disais au début. Ouais. Vraiment, visuellement... Ça sent du film d'Oscar avec une très très belle photographie. Oui, oui, oui. Donc bon, on verra bien, peut-être, voilà, on pronostique le film aux Oscars. Je ne sais pas quel prix il remportera. Voilà, on le saura en début d'année prochaine. Mais en tout cas, voilà, c'est notre coup de cœur cinématographique du moment. Donc le film Conclave d'Edvard Berger avec notamment Ralph Fiennes et Stanley Tucci. Après vous avoir parlé donc de notre coup de cœur, Aurore, comme à son habitude, a déniché un fun fact, un fait étonnant. Alors là, de quoi vas-tu nous parler ? Alors, je vais vous parler de Robin Williams et les sans-abri. Ah oui, d'accord. Bon, alors là encore un parallèle auquel on ne s'attend pas. Alors, en plus d'être un immense acteur, oui. Robin Williams est assez connu pour être très, très humain. Il l'a toujours été. Hein. Et en fait, il avait une clause dans son contrat qui obligeait, et qui était non négociable, qui obligeait en fait les studios pour des rôles de figuration, à embaucher des sans-abri. Et il y a notamment un sans-abri qui a été pas mal utilisé du coup dans les différents films avec Robin Williams. Il a fait plus de 150 apparitions. Et donc du coup, il y a comme ça des centaines de sans-abri qui ont été... embauché par les studios pour jouer des rôles et du coup montrer un peu la cause et mettre en valeur la vulnérabilité, enfin en valeur, montrer la vulnérabilité de ces personnes qui sont assez présentes. D'accord, ah voilà. Oui, je savais pas, enfin j'avais déjà entendu parler, mais je pensais pas que c'était pour se dire dans tous les films, dans tous ces films. Ouais, c'était une obligation. D'accord, ah oui, d'accord. Ah, ça, j'ai le souvenir d'un film avec pareil Nicolas Cage où un des acteurs avait été casté à la sauvette et c'était pareil un SDF. On n'aurait pas dit que c'était un SDF. Enfin, vraiment, il a dans le film un rôle incroyable. Il faudrait que je retrouve le film. Je crois que c'est Joe. Et je pense qu'en effet, ce type de casting, en tout cas, amène une certaine aussi crédibilité parfois. Oui. Et le fait que les acteurs soient novices, bah, parfois, c'est même plus intéressant. Donc, écoute, j'apprends quelque chose qu'en effet, je savais pas cela. Bon, bah, écoute, encore un fait étonnant, surprenant, comme à ton habitude, que tu nous as déniché. Avant de clôturer ce podcast, voilà, on s'est un peu projeté avec Aurore pour voir un petit peu les prochains films qui allaient sortir, parce qu'en ce mois de décembre, voilà, il y a énormément de films qui sortent, hein, il y en a vraiment pour tous les goûts, pour le coup. Alors toi, Aurore, qu'est-ce qui te hype là dans les prochains jours ou prochaines semaines ? Alors, c'est un film qui sort donc le 18 décembre, donc demain, ouais. Qui s'appelle Au Canada, qui est fait du coup par Paul Schrader avec Richard Gere, Uma Thurman et Jacob Elordi. Donc, très très beau casting. Oui, en effet. Donc c'est un célèbre documentariste italien qui accorde une ultime interview à l'un de ses anciens élèves pour dire enfin toute la vérité sur ce qu'a été sa vie. Une confession filmée sous les yeux de sa dernière épouse. Original. Très bon casting, ouais. Ça a l'air très intéressant. Oui. Effectivement, ils ont commencé peu à peu la promotion. Ouais. Pareil, on n'en a pas trop entendu parler. On a vu Richard Gere apparaître sur les plateaux, mais oui, pas trop mais non plus. Pareil, un peu au dernier moment. Voilà, c'est ouais. Ça. Mais bon, et pas. A priori, il était sélectionné à Cannes. Oui, exactement. Mm. Il était en sélection officielle en plus. Donc, pourquoi pas? Oui, parce qu'en plus, voilà, le fait de voir Richard Gere et Uma Thurman, ça fait longtemps, donc ça peut être sympa, voilà, de les retrouver au cinéma. Et alors moi, dans un tout autre registre, la semaine suivante, donc le 25 décembre, le jour de Noël, voilà, c'est un beau cadeau qui nous est fait, puisqu'il s'agit du film Nosferatu, donc dont le premier film date de 1922 quand même, oui. Donc 102 ans après, voilà, un remake sort. Donc Nosferatu est une fable gothique, c'est l'histoire d'une obsession entre une jeune femme tourmentée et le terrifiant vampire qui s'en est pris, avec toute l'horreur qu'elle va répandre dans son sillage. Alors là, il y a un casting de malade aussi, oui. Lily Rose Depp, Bill Skarsgård, Willem Dafoe, Nicolas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, entre autres. C'est réalisé par Robert Eggers. Alors, il a fait notamment The Lighthouse, mm-hmm. avec Robert Pattinson et oui. Willem Dafoe, The Northman également, sur le milieu des Vikings, et il a fait aussi The Witch, avec Anna Taylor-John, Joy, ouais. Également. Donc voilà, c'est un réalisateur qui est... Ouais, ses films sont assez dark hein, quand même. Mmh. C'est très très particulier généralement. C'est rarement tout public. Ouais. Mais là, a priori pour son quatrième film, il a l'air de faire un film plus grand public. Enfin, du moins, c'est ce que la bande-annonce montre. Oui, ça a l'air, ça. Mais bon, on ne sait pas à quoi s'attendre. Hein. Ouais. Mais en tout cas, voilà, ça a l'air très intéressant. Le fait que ça sorte pour Noël, alors moi je me dis pourquoi pas. Parce que c'est pas le genre de film du tout qu'on penserait aller voir à Noël. Je pense qu'à Noël, on a envie de se vider la tête, de passer un bon petit moment, voilà. On n'a pas trop envie de se faire peur, mais bon, pourquoi pas. Donc, Nosferatu, voilà, qui sort le 25 décembre prochain. Voilà, on arrive déjà à la fin de ce podcast. Donc, pour rappel, notre coup de cœur, donc c'est Conclave, hein, allez le voir, parce que oui. vraiment, c'est un immanquable de cette fin d'année. Oui. On ne peut que vous le conseiller. Et puis, en cette fin d'année, bien évidemment, continuez à aller au cinéma. Notamment, on a Au Canada, Nosferatu et plein d'autres films. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et puis, nous, on se retrouvera maintenant l'année prochaine pour un nouveau podcast. Voilà, on verra bien ce que nous réservera l'année 2025. Salut, Aurore. Salut. Thank you.